génération différente, NIST, NIST, indigène. Moi c'est MDK, génération 88. J'arrive sans tunique, mes couplets n'ont pas de limite. Mes amis ont les yeux explosés au shit. Génération qui se rend pas compte que les jours tournent assez vite. Évite le haram et tout ce qui te fait ralentir. Va chercher un tas, c'est l'heure de remplir la tirelire. Je touche les ascétiques, ne me prends pas pour le meilleur. Les résolutions que je me donne, c'est les conseils que je te donne. Ma génération s'exprime avec un mauvais ton. Se noie dans le canal, le cœur est trop lourd pour l'hameçon. De tour, de chaque côté de mon bloc. Une époque où il est hors de question de baisser son front. Génération, rien à foutre, le président le rend fou. On le saoulera jusqu'au bout avec nos gueules de bounoules. Que tu retrouves partout, réputation pas trop cool. La police, rien qu'elle fouille, les boîtes de nuit nous refoule. C'est la violence qu'on te lance dans tes tympans. Tu prends pas, sincèrement, sans balance. C'est le morceau de deux générations différentes. Indigène, texte, identité, liste et dedans. C'est la violence qu'on te lance dans tes tympans. Tu prends pas, sincèrement, sans balance. C'est le morceau de deux générations différentes. Indigène, texte, identité, liste et dedans. Génération trop speed, là où le superficiel nous déclare une guerre hostile. Garde la tête sur les épaules et la foi pour la santé mentale. Pour la santé mentale. Vu qu'à l'heure d'aujourd'hui, les jeunes rêvent célébrité comme Jordi. Génération au débit, en dépit du bon sens. Mes frères indigènes roulant sans interdit. La haine dans les gènes, dans une société pervertie. Ma sœur en place, extravertie par vertu. Génération lobotomisée, t'as perdu. Si sur l'égalité des chances t'as misé. Atomisée par les médias, dans une génération conflit. Génération guerre des mères et violence urbaine. Comme à la gare du Nord, voilà ma génération du père. Génération du père. C'est la violence qu'on te lance dans tes tympans. Tu prends pas, sincèrement, sans balance. C'est le morceau de deux générations différentes. Indigène, texte, identité, liste et dedans. C'est la violence qu'on te lance dans tes tympans. Tu prends pas, sincèrement, sans balance. C'est le morceau de deux générations différentes. Indigène, texte, identité, liste et dedans. J'suis la génération drogue, sexe et argent. Génération rageante, rire au fuck les agents. Ça fait des piges et des piges que j'suis vieux avant l'âge. Génération en litige, on a dépassé la marge. Génération de fous, de dingues, de barjots. La merde jusqu'au cou, tout sorti du cachot. Indigène, génération qui gêne. Génération trop chaude, car trop souvent on se les gêne. Le sonar, génération 87, ne porte pas le mauvais œil. Où j'appuie sur la gâchette. Génération cercueil, car tout le monde est en deuil. Génération rature, dans la vie comme sur ma feuille. On n'ouvra pas la faille, si les patrouilles nous fouillent. Génération die die, même si t'as pas trop de couilles. Génération qui sème, frérot, faut que tu te renseignes. Malgré mes 20 piges, j'camberge toujours à l'ancienne. C'est la violence qu'on te lance dans tes tympans. Tu prends pas, sincèrement, sans balance. C'est le morceau de deux générations différentes. Indigène, texte, identité, liste et dedans. C'est la violence qu'on te lance dans tes tympans. Tu prends pas, sincèrement, sans balance. C'est le morceau de deux générations différentes. Indigène, texte, identité, liste et dedans. MDK, génération 88. J'arrive sans tunique, mes couplets n'ont pas de limite. Génération 82, Niste, a.k.a. l'impressionniste. Le zona, la face cachée. Génération 87, faut que tu payes la recette.